Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Par le soleil et sa clarté, par la lune quand elle le suit, par le jour quand il en montre tout l'éclat, par la nuit quand elle le voile, par le ciel et ce qu'il l'a bâti, par la terre et ce qu'il l'a étendu, par l'âme et ce qu'il l'a si harmonieusement formé, lui suggérant sa perversion ou sa piété. Heureux sera, assurément, celui qui la purifie, et perdu sera celui qui la souille. Les Thamoud ont crié au mensonge, emportés par leur transgression, lorsque pour tuer la chamelle surgit le plus maudit d'entre eux. Le messager d'Allah leur avait dit, « C'est la chamelle d'Allah, laissez-la donc s'abreuver. » Mais ils le traitèrent de menteur et la tuèrent. Leur Seigneur sévit contre eux, les punissant de leurs péchés, et il les châtia tous d'un égal supplice, et il n'en craint pas les conséquences.